Bon. Si vous considérez que l'homme est l'homme, considérez l'homme comme étant en fait de deux parties. Une partie qui sait rien, une partie qui sait tout. La partie qui sait rien doit être remplie de la partie qui sait tout. La partie qui sait rien est faite d'émotions et de pensées, puis elle ne peut pas être remplie de la partie qui sait tout sans ça. Si elle était remplie de la partie qui sait tout, la partie qui sait rien craquerait. Le système nerveux ne pourra pas le prendre. Automatiquement, la partie qui sait tout rentre dans la partie qui sait rien lentement. Dans cette pénétration-là, il y a des cycles, il y a des périodes. Quand elle rentre, à ce moment-là, la partie qui sait rien a l'impression d'être suspendue. La partie qui sait rien va vivre ça pendant des années de temps. Ça va. Vous allez vivre ça pendant des années de temps, cette suspension-là. Mais avec le temps, avec les années qui vont défiler, la partie qui sait tout va transpirer dans la partie qui sait rien de telle sorte que la partie qui sait rien ne s'occupe plus d'elle-même. Quand la partie qui sait rien ne s'occupe plus d'elle-même, la partie qui sait tout va automatiquement engendrer en elle une autre vibration qui est supplémentaire, qui va déloger de la partie qui sait rien, ce qu'on appelle les inquiétudes, son nature émotionnelle, et aussi qui sont entretenues par les pensées subjectives. La partie qui sait rien doit fonctionner pendant un certain nombre d'années. Parce que la partie qui sait rien va lentement vers la fusion. Mais la partie qui sait rien ne peut pas supporter le poids de l'isolation de l'homme face à la planète, tout d'un coup. Parce que plus l'homme va vers la conscience cosmique, plus la partie qui sait rien devient totalement isolée de toutes les innombrables parties qui savent rien, l'humanité, la masse. Et c'est un très lourd fardeau d'être seul sur le planète. Parmi des milliards d'habitants. Parmi une infinité de pensées et une infinité d'émotions. C'est très lourd. Et pour pouvoir supporter cette lourdeur, il faut ne pas pouvoir penser la fusion. Ça te permet de la supporter dans un temps rapide. Mais dans un temps normal, dans un temps coïncide avec une certaine évolution temporelle, de la matière mentale, de la matière émotionnelle, la partie qui sait rien, éventuellement, se soude à la partie qui sait tout. Et la soudure, lorsqu'elle se fait, elle se fait lorsque la partie qui sait rien sent le poids de la solitude, sent le poids de la suspension. Dans le mouvement de la partie qui sait rien vers la partie qui sait, il y a constamment un ajustement vibratoire, c'est-à-dire que les vibrations du corps éthérique deviennent de plus en plus grandes. Et au fur et à mesure que la partie qui sait rien va vers la partie qui sait tout, plus le corps éthérique devient puissant et plus le corps éthérique enveloppe tous les autres principes. De sorte qu'éventuellement, lorsque la fusion se fait et que la fusion est enchaînée, si vous voulez, par le contact avec des principes d'énergisation supérieure, qu'on appelle des êtres, à ce moment-là, la partie qui sait rien est capable de s'adapter instantanément à la conscience de l'éther et à entrer normalement, sans heurts, dans une autre dimension pour une évolution supérieure que la partie qui sait rien ne peut pas absorber psychologiquement. Parce que tout le dominion de la réalité de l'éther est inconcevable à la partie qui sait rien, puisque dans ce dominion de la réalité, les pensées et les émotions aussi. Et comme la partie qui sait rien est faite d'émotions et de pensées, il est évident que la partie qui sait tout doit, petit à petit, se greffer sur cette partie inférieure pour l'amener éventuellement à pouvoir s'habituer à la solitude de l'homme vis-à-vis de la planète, à la solitude de l'homme vis-à-vis de la masse de l'homme. Autrement dit, à la grande solitude de l'ego. Et le seul moment dans notre vie où on s'aperçoit de cette grandeur de la partie qui sait rien, c'est lorsque la partie qui sait rien rentre dans le champ vibratoire de la partie qui sait tout, puis en général, ça se fait quand vous dormez. En général. En général, vous pouvez avoir, quand vous dormez, quand vous sommeillez, ou légèrement, vous pouvez avoir des expériences où la partie qui sait tout va se révéler à la partie qui sait rien, puis ça va vous créer un choc terrible, quitte à vous faire sauter dans le lit. Et on a beau, en tant qu'homme, en tant que partie qui sait rien, vouloir savoir tout. Mais le jeu n'est pas là. Ça fait partie des illusions de la partie qui sait rien. La partie qui sait rien, contrairement aux attitudes qu'elle préconise à cause justement de ces illusions d'émotion et de mentalité, la partie qui sait rien doit s'habituer petit à petit à perdre le désir de savoir quelque chose. Pour remplacer un désir qui fait partie de la structure de la partie qui sait rien, pour le remplacer par une absence totale de ce désir-là, qui permet à la partie qui sait tout de le remplir à sa volonté, selon son temps. Si la partie qui sait rien était soudainement révélée, ce que la partie qui sait tout connaît, la partie qui sait rien vivrait une dépression immense. Le corps astral serait affaibli à un point tel que l'homme n'aurait plus de désir dans la vie. Le corps mental serait affecté à un point tel que l'homme ne pourrait plus s'associer psychologiquement à aucune valeur dans la vie, de sorte que la vie sur le plan matériel serait insupportable pour l'homme. Et comme la partie qui sait rien a été extrêmement influencée au cours de l'évolution par des doctrines spirituelles et ésotériques et occultes, la partie qui sait rien a développer l'habitude, l'attitude, la tendance naturelle de vouloir tout savoir. Le droit, c'est une illusion de la partie qui sait rien, qui veut savoir quelque chose qui ne lui appartient pas, mais qui appartient à la partie qui sait tout. On veut savoir parce qu'on a en nous des mécanismes dans la partie qui sait rien qui sont encore. Qui sont encore indomptés par la souffrance imposée par les forces de lumière. Un homme qui a souffert les forces de lumière n'est pas intéressé à savoir où il est dedans. C'est quand tu es dans l'eau, tu n'es pas intéressé à l'eau. C'est quand tu es sur la plage que tu vas aller à l'eau. Alors, la partie qui sait rien, comme elle n'a pas été plongée dans la lumière, qu'elle n'a pas été brûlée à vif par la lumière, naturellement, elle a la curiosité de la lumière. Et c'est normal parce que ça fait partie de la nature même de la partie qui sait rien. Et c'est très difficile à la partie qui sait rien de s'habituer à côtoyer la partie qui sait tout sans avoir de réponse ou sans savoir ce que la partie qui sait tout sait. Mais si la partie qui sait rien était de même que la partie qui sait tout, l'homme serait un. L'homme serait universel, l'homme serait cosmique. L'homme serait fusionné. Oh, ce n'est pas le cas. Alors, l'homme s'en va vers la fusion. Alors, automatiquement, la partie qui sait rien vit la tension de ne pas pouvoir avoir accès au matériel de la partie qui sait tout. Et ça, la partie qui sait rien doit s'en affranchir éventuellement et retourner son regard vers ce qu'elle avait connu auparavant dans la vie quand elle était inconsciente. Mais dans un autre corps de la conscience. L'homme qui se conscientise doit retourner à ses veaux dans le champ. Puis ça, c'est. On le réalise le plus quand on a souffert de lumière. Quand on a souffert de la partie qui sait tout. Quand la partie qui sait rien a souffert de la partie qui sait tout. À ce moment-là, la partie qui sait rien s'aperçoit très bien que ce qui compte sur le plan matériel, c'est de s'occuper de ses veaux, mais de s'occuper de ses veaux d'une façon affranchie des conditions qui faisaient que la partie qui sait rien auparavant avait l'impression de savoir tout. Comment est-ce que vous dites? Quand la partie qui sait rien commence à s'apercevoir que, ou commence à s'affranchir de l'illusion qu'elle avait auparavant de savoir tout, à ce moment-là, elle commence à vivre sa vie d'une façon normale, naturelle. et commence à s'affranchir de plus en plus de tous les aspects d'elle-même qui, auparavant, lui ont causé l'ennui existentiel, pour qu'elle avance petit à petit vers la vie réelle qui s'ouvre avec le temps au fur et à mesure que la partie qui sait tout rentre dans la partie qui sait rien. Si l'homme voyait la partie qui sait rien, la voyait d'une façon globale, d'une façon instantanée, il ne serait pas intéressé à vivre sur la Terre. Quand je dis vivre sur la Terre, je veux dire vivre dans un corps matériel. Parce que la partie qui sait rien est totalement stupide. Et elle devient intelligente au fur et à mesure qu'elle se conscientise. Et dans ce processus-là, elle s'aperçoit que c'est pas de tout savoir qui est important, c'est d'être bien dans sa peau. Que tout savoir fait partie de la partie qui sait tout, qui pénètre dans la partie qui sait rien, quand la partie qui sait rien n'a de besoin d'exécuter ce savoir. Hein? Quand elle n'a de besoin pas avant. Mais la partie qui sait rien veut, elle, savoir tout le temps, tout de suite, instantanément, et éventuellement, elle en arrive à savoir tout de suite, instantanément, mais elle en arrive à le savoir d'une façon autre qu'elle pensait avant. Parce qu'au stade où vous en êtes présentement, la partie qui sait rien a encore l'ambition de savoir ce que la partie qui sait tout sait. Ça, c'est une illusion de la partie qui sait rien. Parce qu'il n'y a rien à savoir, tout est su. Il s'agit que la partie qui sait tout s'introduise lentement dans la partie qui sait rien, ce qui crée chez vous les suspensions, tous les états internes là, qui font que vous êtes comme des piquets à des champs. C'est ça qui permet à la partie qui sait tout de rentrer dans la partie qui sait rien et d'éclairer la partie qui sait rien et de permettre éventuellement à la partie qui sait rien de tout savoir ce qu'elle a besoin de savoir dans l'instant même de la vie et non dans une phase de perception généralisante. C'est une illusion de l'intellect, ça. C'est une des grandes illusions de la partie qui sait rien. C'est ça qui motive la partie qui sait rien à rechercher et à avancer, parce que si la partie qui sait rien n'avait pas cette illusion-là, les hommes n'avanceraient pas et ne rechercheraient pas des voies qui les amènent éventuellement au chemin qui est la conscience. Ils resteraient assis sur leurs fesses et ils s'indemniseraient dans un matérialisme à tout casser. Alors, il y a des mécanismes dans l'âme qui permettent à la partie qui sait tout, qui sait rien, de s'assagir si la partie qui sait rien écoute quelqu'un qui a les deux parties à la fois. Autrement dit, si la partie qui sait rien comprend les mécanismes de l'âme, puis les mécanismes de l'esprit, puis les mécanismes de lumière expliqués par quelqu'un qui a les deux parties à la fois, à ce moment-là, ça permet aux hommes qui vivent de la partie qui sait rien de générer en eux des mécanismes de force suffisamment grands pour neutraliser les attitudes naturelles de la partie qui sait rien vis-à-vis de tout savoir. C'est ça qui amène l'homme éventuellement à déchirer le voile de l'ego. Déchirer le voile de l'émotion de l'ego, déchirer le voile de l'intellect de l'ego, déchirer le voile qui empêche l'homme, dans sa partie qui sait rien, de savoir parfaitement de la partie qui sait tout, que la partie de vie qu'il vit dans un instant, c'est ça qui compte, puis point final. C'est pas le demain qui compte, c'est tout de suite qui compte. Puis un homme qui s'habitue à vivre là, tout de suite, puis à vivre là, tout de suite, puis qui en arrive éventuellement à vivre là, tout de suite tout le temps, quand il arrive demain, il vit tout de suite demain. Mais si le gars il attend sur son balcon pour vivre le demain, Il vivra pas tout de suite. Puis si tu apprends pas à vivre de tout de suite, tu pourras pas vivre de demain parce que le demain, il est construit pour ceux qui passent d'un plan à l'autre, d'un tout de suite qui est totalement conscientisé. Mais pour vivre de tout de suite d'une façon consciente, il faut que l'homme, autrement dit la partie qui sait rien, réalise un certain nombre d'échecs vis-à-vis lui-même. C'est-à-dire que l'homme doit réaliser un certain nombre d'échecs vis-à-vis les trucs que lui impose l'énergie de l'âme. Le plus grand défi de l'homme sur la Terre, c'est le combat de l'ego contre les énergies de l'âme. C'est le plus grand défi, c'est la première fois dans l'histoire de l'homme que c'est expliqué ainsi. Puis, cette explication est tellement vaste, est tellement profonde, tellement essentielle à l'homme, que l'homme qui comprend ça, automatiquement, détruit en lui les raisons qui causent l'amertume de celui qui sait rien, et lui font réaliser que, dans le fond, c'est pas qu'il sait rien, c'est que ce qui est su n'est pas nécessaire maintenant, et sans importance. Puis l'homme doit en arriver, l'homme qui se conscientise doit en arriver à comprendre que la partie qui sait rien doit vivre sa vie sur le plan matériel pleinement, en arriver à se dissocier complètement du désir d'être égal à la partie qui sait tout. Parce que la partie qui sait tout fait partie d'une autre dimension et la partie qui sait rien fait partie de la dimension matérielle. Mais il y a un pont entre la partie qui sait rien et la partie qui sait tout. Et le pont, pour l'homme, c'est l'intuition qui se raffine et éventuellement qui passe du plan intuitif au plan du mental supérieur, ce que j'appelle le contact. Mais la communication mentale, au niveau du supramental, c'est pas une chose qui se fait d'un jour à l'autre, parce que la partie qui sait rien a peur d'aiguiser son sens d'observation vis-à-vis l'autre plateau d'elle-même, qui fait partie de la partie qui sait tout. Un homme, un ego, ne peut pas faire face à toutes les dimensions de la lumière en lui, faisant partie de la partie qui sait tout, sans éprouver des chocs vibratoires. C'est impossible. Parce que la lumière qui est dans l'homme est suffisante à elle-même, mais l'homme n'est pas suffisant à lui-même tant qu'il n'est pas complètement rassasié de lui-même, c'est-à-dire tant qu'il n'est pas capable, par lui-même, par sa volonté et par son intelligence, de détruire en lui l'énergie de l'âme. Et c'est ça le principe de l'immortalité. Le principe de l'immortalité, c'est le résultat du combat entre l'ego de l'homme qui devient automatiquement esprit au fur et à mesure que l'ego de l'homme détruit l'énergie de l'âme. Qu'est-ce que c'est l'esprit de l'homme? C'est l'ego qui a conquis l'énergie de l'âme. L'esprit de l'homme, l'esprit de l'immortel, c'est la descente de l'énergie de l'âme dans le centre mental supérieur de l'âme. Le principe dominateur de toute immortalité sur toute planète, c'est la réalisation instantanée, sous toutes les conditions possibles de vie, que la force dans l'homme est entre ses deux yeux. Un homme qui ne réalise pas que la force est entre ses deux yeux est encore aux prises avec son émotion. Et un homme qui est aux prises avec son émotion ne peut pas détruire l'énergie de l'âme, parce que l'énergie de l'âme se sert de ses émotions et de ses pensées pour demeurer au-dessus de lui et conquérir le plus possible d'expérience pour accroître le plus possible la mémoire afin que soient construits de plus grands modèles et de plus nombreux modèles pour des expériences évolutives d'incarnation future. Pas pour le bénéfice de l'ego, pour le bénéfice de l'âme. Et l'homme, l'ego, pour qu'il devienne libre, pour que l'homme devienne libre, il faut qu'il passe du stage de l'ego au stage de l'esprit. Ce qui veut dire qu'il faut qu'il passe du stage de l'émotion au stage du mental pur, ou au stage du mental inférieur et de l'émotion au stage du mental pur. Il n'y a pas de choix. Alors, quand dans sa vie, dans son expérience de vie, il se sent en suspension, c'est parce qu'il y a des forces en lui qui cherchent à dominer le caractère de son intelligence pour lui imposer la force vibratoire de leur énergie. Un homme conscient devrait être capable de vivre une vie matérielle d'une façon plus extensive, plus grande, plus vaste, plus libre qu'un homme inconscient. Mais différemment. Parce qu'il est plus libre. Et étant plus libre, ou ce qui lui donne la plus grande liberté, c'est qu'il a détruit les énergies de l'âme. Parce que les énergies de l'âme se servent du miroir qui fait partie de la conscience inconsciente de celui qui ne sait pas et qui est construit de tous les petits miroirs que l'on retrouve dans une société quelconque. Et l'âme se sert de ça et la partie qui ne sait pas en souffre et elle est constamment dominée par cette âme-là. C'est pour ça que la conscientisation de l'homme, la descente de la pensée supramentale sur la Terre, ou la descente de la conscience supramentale sur la Terre, invoque automatiquement la réorganisation mentale et émotionnelle de l'homme en vertu de deux principes extraordinaires qui font partie de lui, mais qui n'ont jamais été exécutés par lui parce qu'il a toujours été prisonnier de l'énergie de l'âme. Et ça, c'est la volonté et l'intelligence. Il n'y a pas d'autre chose dans la vie de l'homme conscient ou qui se conscientise que la volonté et l'intelligence. Mais la volonté et l'intelligence réfléchissent toujours le caractère de l'homme. Tu es toujours volontaire ou intelligent suivant ton caractère. Tu es toujours volontaire ou intelligent suivant ton tempérament. Mais quand tu commences à te conscientiser, tu dois universaliser ton caractère et ton tempérament. C'est-à-dire que tu dois être capable éventuellement de déterminer avec très grande précision si une action que tu commets dans la vie te bénéficie centriquement ou te débénéficie égocentriquement. T'as le choix. Soit que l'homme vive sa vie centriquement ou qu'il la vive égocentriquement. S'il la vit égocentriquement, il meurt. S'il la vit centriquement, il sera obligé de générer en lui des forces qui augmenteront sa volonté et son intelligence parce que l'âme voudra de plus en plus combattre contre l'ego. Pour que s'assure dans l'évolution de l'homme vers l'immortalité, la fusion entre lui et l'ajusteur de pensée. On interprète la vie d'après nos émotions et d'après notre intelligence. Au lieu d'observer la vie d'après notre intelligence et la volonté. Mettez ça dans votre tête. Puis elle est là. Elle est là la cause de l'évolution. Elle est là la cause de la disparition sur la Terre d'hommes réels. Parce que l'homme interprète la vie selon ses émotions et son intellect, au lieu d'observer les faits de la vie selon son intelligence et sa volonté. Mais pour observer les faits de la vie selon son intelligence et sa volonté, il faut déjà avoir de l'intelligence et de la volonté. Fait que c'est subtil parce que si t'as pas de beurre, tu peux pas te beurrer ta tête. Alors, quelque part, faut que tu aies du beurre. Mais on dit, il y en a du beurre au coin de telle rue, telle rue. D'accord. On dit, il y en a. Mais si tu veux pas t'élever, je vais rester chez vous. Mais plains-toi pas d'être venu de manger ta tête, t'sais. Mais une fois que tu as fait le mouvement vers le chilbeur au coin de la rue, tu commences à tartiner. À ce moment-là, tu t'aperçois que ta volonté grandit, ton intelligence grandit, ta volonté grandit, ton intelligence grandit, parce que c'est un pendulum. Un va avec l'autre. Tu peux pas avoir l'agrandissement d'intelligence sans avoir l'agrandissement de la volonté. Et voici. Fait qu'éventuellement, la partie qui sait rien commence à savoir que ce qu'elle sait, c'est ça. Puis c'est ça que la partie qui sait rien doit savoir, que ce qu'elle sait, c'est ça. Pas plus. Ce qui lui permet d'assumer dans la vie de tous les jours, devant les événements de tous les jours, une caractéristique particulière à elle-même qui réfléchit son intelligence et sa volonté, sans s'occuper de toutes les dimensionnalités du savoir. Mais les ressources ont dit dans notre cas, effectivement, sur tout côté matériel, donc, face à la spiritualité. Spiritualité, matérialité. Tu peux tomber ici dans la réalité, la grosse réalité matérielle. Je veux dire. C'est là que tu es fourré dans les deux. La réalité matérielle pour vous autres est difficile parce que vous l'avez spiritualisée ou vous l'avez simplement matérialisée. Ah, si vous l'avez simplement matérialisé, éventuellement vous écœurez parce qu'il n'y a rien dedans. Parce que vous êtes un petit peu trop intelligent pour ça. Si vous l'avez trop spiritualisé, mais vous vivez des conflits d'intérêts. Puis quand vous avez passé au-dessus des deux, ben, la réalité matérielle, vous la voyez comme elle est, vous avez la réalité spirituelle, vous la voyez comme elle est, puis votre réalité est ainsi au-dessus des deux, puis elle observe. Hein? Est-ce une note? Mais. À cause de votre sensibilisation, à cause de votre grandeur d'esprit, à cause de votre grandeur d'âme, c'est évident qu'il y a des aspects de la réalité matérielle qui entrent en conflit avec vos vibrations. Mais, n'oubliez pas une chose, qu'à tout homme, il y a une image idéale de ce que lui veut créer pour lui-même. Mais la réalité matérielle, souvent, vous l'empêche temporairement. Souvent, la réalité spirituelle, vous l'empêche aussi. Mais quand vous rentrez dans votre réalité, il n'y a plus rien qui vous l'empêche. Mais l'homme, la partie qui sait rien, qui a souvent des rêves, qui entretient des rêves depuis de nombreuses années, ne se souscrit jamais à ce qu'il veut. Il se souscrit toujours à ce qu'il peut. Puis tant que vous allez vous souscrire à ce que vous pouvez, vous ne pourrez jamais faire ce que vous voulez. Et pour faire ce qu'on veut, on est obligé automatiquement de se souscrire à notre intelligence et à notre volonté. Parce que c'est de notre intelligence et de notre volonté qu'on se nourrit, et non des trophées qui nous sont donnés gratuitement par une société de canards. Parce que, au fur et à mesure que l'homme se conscientise, il est évident que ses corps invisibles changent. Puis, changeant, ces corps-là introduisent en lui des vibrations qui font que cet homme-là devient une corde de violon, qui fait que cet homme-là, éventuellement, ne peut plus jouer la musique des autres violons autour de lui. Et automatiquement, il en souffre. Mais il en souffre pourquoi? Il en souffre parce qu'il n'a pas encore la volonté de se souscrire à son intelligence, sa volonté. Il se souscrit encore pour toutes sortes de raisons. à ses émotions et à son intellect. L'homme qui sait pas, la partie qui sait pas, admet qu'elle sait pas, mais elle admet pas toujours que pour savoir, il faut agir. Ah, ouais. Avant la dernière minute avant d'agir. À dernière minute. Donc, elle passe un an, deux ans, six mois, trois ans à végéter, puis à végéter. Puis après ça, quand le temps est venu qu'elle a agi, elle a dit, j'aurais dû faire ça avant, ce mouvement-là. J'aurais dû faire ça avant, ce mouvement-là. J'aurais dû déménager avant. J'aurais dû faire un job avant. J'aurais dû changer de blonde avant. J'aurais dû faire ça avant. J'aurais dû faire ça avant. Les hommes sont tout pareils. Alors, ça, c'est normal parce que l'homme, quand même, l'homme est homme. Si l'homme était à fusionner, ça sera, le problème n'existera pas. Mais comme l'homme n'est pas fusionné et qu'il s'en va vers la fusion, c'est normal. Alors, quel recours a-t-il l'homme pour en arriver à cette action instantanée liée à la volonté et à l'intelligence? C'est la souffrance. C''est ce que tu veux dire qu'il remporte que l'intelligence lui aide puis automatiquement il vit sa volonté. Il peut pas agir de son propre chef. Quand je dis agir de son propre chef, ça veut dire réaliser d'abord que tout ce qu'on est en tant, tout ce qu'on est en tant qu'homme, on l'est partiellement en vertu du lien avec l'intelligence et la volonté supérieure. Mais on l'est dans une situation d'affaiblissement, de dégradation. On ne vit pas complètement notre intelligence, puis complètement notre volonté. On la dégrade quelque part. De par notre intellect et de par nos émotions. On la dégrade. Alors, on reçoit un petit choc. Puis un autre petit choc. Puis un autre petit choc. Puis là, on éventuellement, on devient volcanique. Là ça saute. Bang! Là, on prend conscience là, qu'il y en a qui jouent avec nos nerfs. Ça, c'est bien. L'intelligence et la volonté. Ça joue avec nos nerfs. Là, on se forge. Puis ça prend ça pour qu'on chante. Mais tant que ça, c'est pas arrivé, tant qu'on s'est pas fâché, tant qu'en haut, pour employer une phrase, ils nous ont pas fait vibrer un petit peu au-delà de nos limites, on reste encore dans l'émotion puis dans l'intellect. Tout d'un coup, ils nous font vibrer un petit peu. Puis éventuellement, là, on arrive à notre limite. Puis là, malgré nous autres, on saute. Puis là, on s'aperçoit d'un changement. Parce qu'on a fait une action quelconque. Ça a changé quelque chose. Puis là, on avance. On rentre lentement dans l'intelligence. Mais c'est long. Puis c'est long. Puis c'est long. Puis c'est long. Mais aussi dans le mouvement, on attend le mouvement pour le faire, pour être sûr de notre affaire. Parce qu'on n'est pas sûr avec. Non. Vous attendez le mouvement parce que vous n'êtes pas encore dans votre intelligence puis votre volonté. Si vous étiez dans votre intelligence puis votre volonté, vous n'attendriez pas le mouvement. Vous seriez constamment dans le mouvement. Au lieu de mettre de l'ordre dans votre vie à tous les secondes, vous en mettez à tous les 10 jours. À tous les 6 mois. Mais Chris, l'inventaire s'accumule. L'inventaire s'accumule. Je comprends. Il y en a qui ont tellement gros inventaires, ils sont quasiment bancrés. Mais ça, c'est pas de votre faute. C'est vibratoire. Mais le principe est le même, pareil. Mais en fait, c'est comme vous dites, c'est vibratoire, mais à ce moment-là, faut que la vibration soit vraiment rendue. Oui, la vibration, il faut qu'elle soit rendue, puis quand elle est rendue, ça se passe, puis ça se fait. C'est pour ça que, disons qu'on attend que l'effet de la vibration soit assez fort pour qu'on puisse y arriver, puis que là, vraiment, ça se réussit. Oui, parce que vous n'êtes pas suffisamment... Vous n'êtes pas suffisamment sensible à la vibration d'une façon permanente. Vos éthers ne sont pas suffisamment sensibilisés. Votre souffrance, autrement dit, n'a pas été suffisamment grande pour que vous soyez comme des chiens de garde dans tous les secondes de votre vie. Quand t'es un chien de garde tout le temps, à ce moment-là, tu manges tout le monde au cours de toi. Tu te fais pas manger. C'est bien mieux manger les autres que de se faire manger. Quelle est la petite vibration? Vibration. Ou surtout que tu dis c'est bien mieux manger les autres que de se faire manger, une petite vibration spirituelle qui part. C'est subtil, l'émotion-là. C'est même que ça marche. Oui, parce qu'on s'inquiète tout le temps quand on n'est pas sur nos gardes, comme vous dites. Quand on n'est pas un peu sur nos gardes, à l'avant-garde des choses c'est qui pas, nous touchent. C'est pas que vous vous impliquez, mais c'est que vous ne vous voyez pas. Vous ne vous voyez pas dans ce que vous devriez être. Vous vous ressentez dans ce que vous ne devriez pas être. Autrement dit, en souffrant. Vous autres, je parle de vous, là. Vous, vous êtes comme un joueur de hockey. Vous attendez toujours que l'autre club arrive et passe vos défenses pour réagir. Vous comprenez, vous devinez? C'est ça que je t'en prie constater. Bon, constatez ça. Aussitôt que vous constatez ça, vous allez avancer vers le côté droit. Je connais pas ça, mais ok, moi, en tout cas, je sais qu'il y a un côté droit quelque part, puis avance. Au lieu de sa défense, vous allez aller sur l'attaque. Tu peux pas être sa défense dans vie. Tu peux pas être sa défense dans vie. Ça, moi, vous en parlez un petit peu. On peut pas être sur la défense dans la vie. Pour deux raisons. Parce que si on est sur la défense, quand on reçoit l'attaque, on est déjà en faiblesse. Et le seul recours qui nous reste, c'est la réaction. Et pour ne pas être sur la défense dans la vie, pour être toujours sur l'attaque sans attaquer, il faut être mauditement intelligent. Parce que quand on est en mode. Il faut être mauditement intelligent, il faut avoir un système nerveux est extrêmement développé. Tu sais, un danseur de ballet qui tient sa petite orteille tout le temps, il faut qu'il y ait des muscles. Ça, c'est résistant. C'est ça que l'initiation fait. Fait qu'éventuellement, tu es toujours sur ta petite orteille, tu es toujours en tension vibratoire. Puis ça, je veux vous en parler, ça, cette tension vibratoire. Pourquoi est-ce que je dis que tu peux pas être heureux quand tu es conscient? Tu peux être bien dans ta peau. Parce que plus tu deviens conscient, plus tu es en tension vibratoire. C'est pas comme avant. Avant, tu peux être en relax, tu peux être relax vibratoire. Mais d'abord, tu sens même pas ça, des vibrations. Tu es relax. Tu es toujours au soleil. Mais quand tu te conscientises, tu peux plus être relax. Tu es toujours comme une corde de violon. Mais tu as développé une résistance qui est liée à la conscience de ton mental supérieur, de sorte que tu es capable de demeurer de même 24 heures par jour. Parce qu'il n'y a plus d'émotion en toi à ce moment-là qui t'affaiblit dans ça. Que les vibrations soient basses, tu t'en occupes pas. Qu'ils soient hautes, tu t'en occupes pas. Tu t'occupes de rien. Fait que tu es toujours en tension vibratoire. Fait que tu peux pas être heureux parce que tu es en tension vibratoire. Parce qu'être heureux, c'est dormir un peu. Pour être heureux dans la vie, il faut dormir un peu. Mais quand tu es conscient, tu peux pas dormir pantoute, nulle part, jamais. Fait qu'automatiquement, tu es en tension vibratoire. Puis automatiquement, si tu joues au hockey, c'est évident que ta tension vibratoire, qui est une force vitale, qui électrise ton mental, ton corps astral, ton corps vital, toute ta patente, automatiquement, elle pousse toujours de l'avant. Fait que le gars, il a pas le temps de partir parce que tu es toujours à l'avant. Tu peux pas aller chez Eaton et te faire envoyer des meubles qui sont cassés parce que tu vas dire au gars, arrange-toi pour que mes meubles ne soient pas cassés, mais qu'ils arrivent chez nous. Tu avertis tout le monde tout le temps. T'sais. Tu vas acheter quelque chose, tu vas dire à la bonne femme parce que tu es rendu névrosé à un certain moment. Tu commences à t'écœurer de vivre de l'inconscience de l'homme. Puis te faire dire par l'opératrice, mais monsieur, c'est le computer, puis on a mis ça le computer, puis c'est pas de ma faute. T'sais. Fait que là, tu es toujours de l'avant. L'avant. Fait que tu comprends que si tu parles à la bonne femme au téléphone, tu y mets toutes les cartes sur la table. Puis encore, Chris, le gars, il va faire une erreur pareille. Fait que qu'est-ce qui arrive à ce moment-là? Comme tu es intelligent, puis tu réalises que tu vis dans un monde imparfait, tu fais comme des écureuils. Tu t'approvisionnes, puis tu t'approvisionnes, puis tu t'approvisionnes. Puis une journée, tu descends ton blind. Tu dis, crissez-moi à paix. Voilà, tu t'as ta maison, t'as ton terrain, t'as ton bunker, t'as ton freezer, t'as ton électricité, t'as tout. Et rendu à ce point-là, t'es tellement centré que t'as plus besoin des systèmes de tes bains, de ta paix. Ça, c'est le prix de ton effort sur le plan matériel. Puis après ça, rendu à ce point-là, t'es prêt à te passer d'autre part. C'est ça la vie de l'homme conscient. Alors, si tu vas chez Tune, puis tu sais que tu vas avoir un meuble qui ne marchera pas parce que tu reviens à un point que tu es rendu tellement dans l'intelligence que tu es rendu voyant. Tu le sais, mais tu as fait suffisamment de brouhaha pour t'assurer qu'il ne soit pas trop cassé. Puis éventuellement, là, quand tu as tous tes meubles, là, tu n'achètes plus. Tu as toutes tes affaires. Là, tu fermes ta porte à l'extérieur. Là, tu vis. Tu peux vivre longtemps, même, quand tu es centré. Tu peux vivre des siècles. C'est pas comme avant. Avant, les tensions, il y en avait moins parce que les gens étaient plus gentils, les gens étaient plus affables, les gens avaient des petits business. Quand tu as une petite business, tu as des clients, mais tu veux, c'était des petites villes, des petits villages, les gens se connaissaient, il y avait un respect plus simple. Aujourd'hui, c'était multinational, Steinberg, Eaton, tu parlais des numéros. Quand tu es rendu sensible, tu réalises l'importance de l'homme, de l'individu, tu réalises comment est-ce que tu travaillerais, toi, si c'était ton cash. Éventuellement, tu n'as plein de casse. Fait que t'as pas le choix que de t'isoler psychiquement. Mais ça prend de la volonté et de l'intelligence pour te créer un environnement matériel qui peut te permettre de vivre avec le moins d'ennuis possible. Puis le jeu entre la conscience et l'inconscience, entre la partie qui sait pas et la partie qui sait, est là. Vous donc, vous pensez que si vous aviez la partie qui sait, ça résoudrait tous vos problèmes. Ah, c'est pas de même. Si vous aviez la partie qui sait, automatiquement, vous ne serez pas ici. Vous vous promèneriez dans une autre dimension, quitte à revenir ici pour faire des jobs. Oui. Mais encore, il faut avoir des reins solides, parce que quand tu vas chez Eaton de l'autre bord, c'est pas le même Eaton que celui de Sainte-Catherine. Les cadeaux sont plus beaux. Fait que si t'arrives ici, puis c'est moche, t'es mieux d'avoir des reins solides pour pouvoir tenir l'équilibre. Sans ça, tu repars de l'autre bord encore, puis tu fais rien ici. Bon, je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est de l'intelligence. L'intelligence, c'est une force. Puis la volonté, c'est une force. C'est deux forces. Seulement, de l'intelligence, ça devient une très grande force quand la volonté est devenue une très grande force. Puis quand les deux sont devenus deux très grandes forces, vous avez un produit qu'on appelle la conscience. Et c'est ce produit-là, cet état-là d'esprit qu'on a besoin pour survivre tout ce qui va venir dans la vie. Parce que les Russes se tapent avec les Américains, il n'y a rien là. Mais il faut le savoir, pas le croire. Rendu à un certain moment, tu ne peux plus croire à rien. Il n'y a pas de substance dans le croire. Mais savoir, ça se discute pas. Même si c'est tout dans ta tête à toi, ça se discute pas.